Dans ce contexte, est-ce qu'il est possible, président Badakani, de pouvoir véritablement amorcer un développement économique? D'abord, vous me permettrez de revenir, à votre permission, rapidement sur un sujet qui me tient à cœur. C'est la question tunisienne. On va y revenir à ce grand sujet. On va y revenir. Ça, c'est le fait d'accueil. Oui, absolument. On va y revenir, président. Ok. Ok, bon, d'accord. Dans ce cas, comme on dit chez nous, Vous la mettez en veille. Je la mets en veille, là, pour ne pas oublier. Vous la mettez juste en veille, parce qu'on va y revenir dans le cadre de la seconde. Donc ça, c'est le fait d'accueil. Oui, on va rapidement y aller avec ce fait d'accueil. Donc, pour revenir, d'abord, il ne s'agit pas d'une accusation. Parce qu'une accusation suppose que celui qui est accusé peut se défendre. Donc, il ne peut pas se défendre. C'est un fait. C'est un fait historique. C'est d'abord un fait qui est factuel, qui est historique. Donc, ça fait plus de 100 ans. C'est pas, si on le monte plus loin avec l'esclavage, c'est encore plus grave que l'Occident pille la RDC. La RCA. La RCA, pardon. Pille la RCA. Pille la RCA. Alors, il faut bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle, parce que d'aucuns ont vite fait de dire il pleurniche. C'est un pleurnichard. C'est un pleurnichard. Certains même disent, ok, pourquoi prendre part même à cette réunion qui réunit les pays les plus pauvres du monde, n'est-ce pas, autour disons de... cette fois-ci embellit cela, les moins avancés. Oui, oui. Autour de l'organisation même qui est chargée de l'appauvrissement des pays africains, à savoir cette saloperie qu'on appelle l'ONU. Voilà. Donc, il fallait y aller, premièrement, pour dire cette vérité. Pour rappeler cette vérité, parce que le contexte était saillant. Vous comprenez? Le contexte était saillant. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'il fallait dire ça. Puisque ceux qui organisaient, justement, font semblant, ils disent que le pays est moins avancé. Vous savez que les termes sont très importants. Absolument. On tue avec les termes. Absolument. Quand on dénature une situation et on réécrit la situation par le langage et l'écriture, on a tué la situation. C'est la même chose. Le bourreau a l'art de réécrire, mon cher Fabrice, les situations qu'il a créées pour justement effacer sa responsabilité et présenter la victime comme son propre bourreau et se présenter en sauveur philanthrope. C'est pour ça que le travail de veille sur la réalité des récits et leur conformité aux faits historiques est capital. Capital. C'est ce que le président Touadéra est allé faire. Il fallait qu'il aille le faire. Rappelez que, ok, vous m'invitez ici, vous m'avez classé parmi les pays les moins avancés, vous dites maintenant moins avancé par euphémisme, alors qu'en réalité vous nous insultez, vous dites que nous sommes le pays pauvre. Absolument. Évidemment, un pays pauvre, c'est un pays, évidemment, qui est mal gouverné, qui est pillé par ses propres dirigeants. Donc, du coup, il demande le secours international. Et pourquoi on lui vient en aide? On va d'abord le civiliser de nouveau. Lui apprendre à bien gérer, lui apprendre à ne plus piller son pays. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ça ne peut pas être le cas. C'est loin d'être le cas. Absolument. Donc, il leur a dit, ok, je vous rappelle donc dans le cadre-ci que c'est l'Occident. Toi, ONU, là, tu es Occident. Tu es l'organisation occidentale, blanche même à la limite. C'est vous qui pillez la Centrafrique depuis 1960. Un peu plus encore. Oui, oui, il a pris la date de l'indépendance. Ouais. C'est un fait, non seulement factuel, mais historique. La SCA est un pays malheureux. Les Centrafricains sont malheureux, Fabrice. Parce que ce qui leur arrive, le monde entier veut faire semblant de ne pas être concerné par ça. Comme d'habitude. On veut nettoyer ses pieds. En se moquant des Centrafricains et du Centrafrique. Oh, c'est vous qui faites la guerre chez vous tous les jours. Vous êtes des sauvages. On vous avait dit que si on vous laisse entre vous, vous allez vous suicider. Parce que vous avez des divisions ethniques. Vous ne connaissez pas faire nation. Vous n'avez jamais demandé dépasser les liens biologiques et nationaux. Vous ne connaissez pas faire constitution. Vous êtes en dehors de la modernité. Vous êtes des sauvages et des barbares. Et la Centrafrique, toi, tu es comme Haïti. Tu as la preuve que l'homme noir est maudit. Sans le blanc, ils ne peuvent rien faire. On nous met de dire. On nous met de convoquer la guerre du Congo Ouara. Où la France a décimé près de la moitié de la population centrafricaine. Vous savez combien de pays se remettent sur un temps aussi court du fait qu'on a pratiquement génocidé la population? Et depuis que la France a détruit cette population centrafricaine, depuis la guerre du Congo Ouara, la Centrafrique va de drame en drame, organisée par la France, agissant pour le compte de la communauté internationale autoproclamée, qui aujourd'hui verrouille, bouche, ferme tout pour affaisser la Centrafrique. Vous voyez la continuité historique? Vous voyez la continuité historique du fait d'abord. Nous démontrons la continuité historique du fait. Je ne parle même pas de l'arrivée du colon français. Personne ne l'a invité, il est venu. C'est emparé de la Centrafrique. Comme c'était d'abord emparé des Africains. Maintenant, ils écrivent des textes pour dire que non, il faut pas qu'on exagère. L'esclavage blanche n'a pas été aussi dangereux que l'esclavage arabo-musulman. Et que jusqu'à aujourd'hui, en Mauritanie, les Noirs esclavagisent les Noirs. Ouais, des petits choses comme ça, des saloperies comme ça, ils mobilisent ça parce qu'ils veulent justifier l'esclavage. Mais on ne va jamais justifier l'esclavage. Il n'y a aucun argument historique qu'on peut opposer au fait de l'esclavage. Aucun. Même pas l'esclavage arabo-musulman. Le juif vous donne qu'on parle de ça, on parlera de ça ici. Pour démontrer à ces petits criminels français et leurs théoriciens là, qui écrivent des bêtises comme ça là, que vous êtes vraiment des criminels, vous allez mourir criminels. Donc, c'est un fait historique. Des gens sont emparés de ce pays-là. Les populations se sont révoltées, ont lutté. On les a décimés plus de la moitié. Ce n'est pas la faute des Centrafricains si à ce moment-là, ils n'étaient pas suffisamment armés pour affronter la France. C'est leur faute. Mais à ce moment-là, il faudrait aller plus loin. Fabrice, il faudra punir les Juifs pour avoir été faibles devant Hitler. Et d'avoir été génocidables. Il faudra punir les Français d'avoir été faibles devant l'Allemagne. Vous voyez des arguments comme ça quand sur le doigt, ils balancent n'importe quoi. Et nous connaissons l'histoire de ce pays depuis Bokassa. Nous connaissons comment c'est qui est arrivé à Barthélemy Boganda. Ouais. C'était un centrafricain noir. Ouais. Un panafricaniste de haut niveau. Absolument. Qui l'a tué? Qui l'a assassiné? Qui a amené Bokassa de Chine pour l'installer au pouvoir? C'est la France agissant pour le compte de la communauté internationale de criminels et de prédateurs. Qui a humilié Bokassa? Qui a pris sa femme? Lui a foutu un enfant. Et a volé le diamant de la Centrafrique. C'est un certain Valéry Giscard d'Estaing qui dit maintenant qu'il est un comte. Il est devenu noble depuis qu'il a pillé la Centrafrique. Il est devenu noble. Il est là chercher la noblesse en France. Giscard d'Estaing. Un criminel. C'est qui l'opération Barracuda qui a habitué les chefs d'état-major en Centrafrique à se foutre de la Constitution et de renverser à tout moment quand ça les arrangeait? N'est-ce pas? Les présidents constitutionnellement établis. Qui? La France. Et la communauté internationale. Et la France agissant pour le compte de cette communauté internationale. Mmh. C'est la France et la communauté internationale et l'ONU qui organisent les coups d'État depuis 1960 en Centrafrique. Au point où les populations de ce pays n'ont jamais eu le temps. Fabrice, pour aller à l'école. Transition sur transition. Jamais aller à l'école. Pour apprendre à se soigner, pour apprendre à se nourrir, ce qu'ils savent faire très bien d'ailleurs, mais les guerres organisées par Paris ont passé le temps à confiner les populations centrafricaines à une infra-humanité, c'est-à-dire à une vie infra-humaine, une vie en dessous de l'humanité. De l'humanité, mon cher Fabien. Vous savez pourquoi? Parce que le Centrafrique est plus riche que la RDC. Information que je vous donne. Et que la France et la communauté internationale ont décidé de faire donc de ce pays-là une réserve de matières premières. Une zone sauvage. C'est-à-dire une réserve de matières premières pour les temps à venir. Tout dans les accords secrets de coopération imposés par la communauté internationale et la France, c'est que à partir de 5 mètres, le sous-sol n'appartient pas aux Centrafricains. Tout président qui a osé fouiller comme ça, coupez la tête. C'est réalité donc. Le récit international officiel qui veut justifier la mainmise de l'Occident sur Centrafrique va évacuer toutes ces réalités. Fabrice, pour présenter la réalité qui est quoi que Touadéra il veut s'éterniser au pouvoir. Et il veut changer la constitution pour rester au pouvoir. Et on fabrique des mercenaires comme Mme Darlan. Mercenaires comme son père. Famille de mercenaires. Vous savez sur quoi vous vous entendez pour pouvoir le dire au vêtement présent. Mais bon ça. Vous m'avez dit n'importe quoi sur ce plateau. Je parle en public, non? Absolument. Alors, je dis famille de mercenaires, et c'est de quoi je parle. Elle est dans une continuité généalogique de mercenariat pour le compte de la France, des Occidentaux, Madame Darlan. Outrepassant ses prérogatives, elle a politisé la Cour constitutionnelle pour devenir une actrice politique de premier plan pour voler au secours d'une opposition criminelle et mercenarisée, n'est-ce pas, pour que la campagne de diabolisation de Touadéra ait des fondations. Et quoi donc justifie donc ce que vous entendez le voir, à savoir fermer les robinets, les Américains, la communauté internationale, pour les guichets internationaux, fermer au président Touadéra. Et l'autre crime, n'est-ce pas, qui est en train d'être fait, qu'il a commis le président Touadéra, c'est d'avoir accepté d'être la capitale des BRICS en Afrique centrale. Tout à fait, Donc c'est un russe. Et vous connaissez la, la russophobie, la russophobie qui est un trait. Qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, un trait caractéristique de l'Occident. La russophobie, c'est-à-dire la reine du russe. Une reine quasi-génétique. Il paraît que maintenant, pour déterminer qui était l'Occidental, faut qu'il déteste le russe. Dès que tu détestes le russe, c'est un occidental. Donc on fait payer tout ça cher au président Touadéra. Fabrice Dom, permettez-moi de rappeler ici, quand ce monsieur arrive au pouvoir, Serge Kalachnikov, voilà l'armement de la Centrafrique, du Centrafrique. 16 Kalachnikov. 16 seulement, président. Pour toute une armée. Je dis bien, 16 Kalachnikov. Et il a pour armée 5000 militaires français. Non, il n'y a plus d'armée, il n'y a pas d'armée centrafricaine. Mais, il y a les rebelles partout. Des rebelles armés, financés, protégés par l'ONU et la communauté internationale. Parce qu'en ce moment-là, on pille les matières premières moins chères. Et les fourgons de l'ONU défilaient tous les jours avec les matières premières qu'on déchargeait dans les avions qui s'envolaient partout, sauf en RCA. Monsieur. Puisque aujourd'hui, on n'a pas comptabilisé ce pillage. Ça peut être comptabilisé. Alors, ce monsieur arrive au pouvoir, il a 16 Kalachnikov. Le jour de sa prestation de serment, monsieur Le Drian tord le cou à Samba Panza. Il dit, signe ici, il dit monsieur Le Drian, petit breton, petit sauvage breton que tu es, je n'ai pas, j'ai plus de légitimité à signer. Donc je ne peux pas signer, ça ne sert à rien. Ok. On va monter le président Touadéra. Monsieur, le petit breton, menace le président Touadéra, lui demande de signer. Autrement dit, renouvelle l'accord, cet accord historique-là qu'on impose à tous les présidents. Et que Dologuele avait déjà signé même avant d'être candidat. Je dis bien, monsieur Dologuele, moi je parle en public. Si j'ai encore des histoires, Dologuele nous suit, qui me tient en justice, je vais démontrer de quoi est-ce que je parle. Face à toi, Adela. Donc, elle s'est dit une bataille féroce. Padera va dire à monsieur Le Drian, je ne signe pas ça. Je ne signe pas. Je vous laisse les conditions de ce qui s'est passé. Les Centrafricains qui sont montés après ont cru qu'on avait enlevé le président. Quand ils sont arrivés, ils ont carrément déchiré cette saleté que M. Le Drian voulait imposer à la Centrafrique. Voilà où commence la guerre entre la France et l'individu Touadéra. Parce qu'en fait, il n'y a pas de guerre contre la Centrafrique. L'individu Touadéra. Il n'a pas le nom. Il a dit qu'il ne signe pas ça. Et depuis donc, les premiers gens vers qui il s'est tourné pour poser le problème de la trésorerie centrafricaine, conformément aux accords. Tout à fait. C'était la France. Absolument. On lui a dit, fous le camp. On ne donne rien. Va te débrouiller. Vous allez à Bangui. Bangui appartient à la MINUSCA. Bangui appartient à la MINUSCA. Les loyers flambent à Bangui. 800 000. Aucun centrafricain ne peut pas habiter à Bangui. Donc, on a chassé les banguistes de Bangui. Et ils sont remplacés au fur et à mesure par des Pakistanais, tous ces gens qui sont dans les contingents onusiens, parce que les loyers ne sont pas possibles. voyez comment on désorganise une société. Je vous laisse les commentaires. Ce que deviennent les petites filles centrafricaines dans les mains de ces gens. On développe la prostitution. On transfère les maladies. On fait des tests de cobayes, devient des cobayes. On teste des maladies pour, qu'on va envoyer en Afrique généralisée. Je parle en public. Hein. On teste ça là-bas. Les gens de l'ONU là, ils testent ça. Est-ce que vous savez que en matière de fourniture de carburant, la MONUSCA ou MINUSCA, ce machin-là, est prioritaire que l'État centrafricain? Est-ce que vous le savez? Mais c'est plus que la tutelle. C'est plus que la tutelle. Malgré ça, le président s'est battu. Fabrice Ndom. Il a réactivé un vieux partenariat et tout oublié avec la Russie. Il s'est battu. Les Russes, on ne sait pas comment il a convaincu les Russes. Moi, je c'est un miracle. Il a convaincu les Russes. Il a rebattu une armée. Là où il n'y avait rien. Vous savez que l'État, c'est l'armée, non? Tout à fait. Alors, nous parlons. L'autorité de l'État est pratiquement rétablie sur l'ensemble du territoire. Les rebelles sont confinés dans des brousses. Alors qu'il y a des Tchabangui installés partout, ceux qui avaient l'offensive, ils faisaient appuyer le beau temps. Maintenant, quand ils sortent, ils guettent s'il n'y a personne, ils fuient parce qu'on va les traquer, les bombarder. On les a confinés dans. C'est-à-dire qu'ils sont confinés et on va les pourchasser davantage. Là, il a commencé à remettre l'État sur pied. L'État a commencé à fonctionner. Les universités ont commencé à fonctionner. La production, peu importe l'état dans lequel elle se trouve à cause de différentes guerres, a repris son chemin, Fabrice Ndom. Et la Centrafrique a commencé à être considérée comme un état normal. Plus grave alors, il a lancé le projet révolutionnaire de Sangokwe. On n'a pas arrêté le projet. Le projet est là. Il est là, il va rebondir puissamment. D'accord. Vous le rassurez. Je vous le dis. Il a relancé le Sangokwe, qui a obligé la communauté monétaire d'Afrique centrale à bouger. Puisque désormais, ces derniers cherchent également à réadapter effectivement Les faits de ces gens étaient collés sur leur siège depuis 45 ans. Ils ne bougeaient jamais. Mais ils n'avaient rien à faire. Le statu quo monétaire. Grâce au président Touadéra, ils ont bougé, ils ont revu, ils ont mis à jour leur test. Et désormais, la communauté monétaire d'Afrique centrale a intégré dans son dispositif monétaire la monnaie numérique. Ouais. Et alors, nous parlons. Ce projet, donc, qui était en train de devenir une révolution mondiale, vous savez pourquoi? Parce que le Centrafrique était l'un des premiers États au monde, sinon le premier, à faire de la monnaie numérique une monnaie d'État. Alors, des pays comme la Russie et d'autres, qui avaient la technologie, qui avaient le projet, qui étaient avancés, mais n'avaient jamais fait une expérience dans ce domaine-là, au niveau de l'État, on dit, mais dis donc, on va commencer l'expérience ici. Je pense que vous vous rendez compte. Tout à fait. Donc, c'était grave. Et le monde a commencé à se tourner vers le Centrafrique. Et quelque chose d'extraordinaire s'est préparé. Ça prêtait. Une révolution. Une décroissance peut-être à trois chiffres était sur le point d'avoir cours dans ce pays. Vraiment, la France, les États-Unis et la Banque mondiale et le FMI, pour nous voilà où ils interviennent. Cette organisation criminelle, on dit il faut stopper ce type. On a utilisé la mercenaire de la commission de la Cour constitutionnelle. Voilà. Qui a là-bas, c'était grave. C'est-à-dire, elle a condamné un projet de loi. Je dis un projet. Hein. Un projet de loi, elle a condamné une rumeur qui était sur un site. Elle a dit que non, la rumeur c'est là. Je prends ça, ça devient vérité, je condamne. Violent, elle n'a jamais vu. Et on a décidé donc de le punir. C'est ça que l'État est en train de subir. Et un coup d'État se prépare. Coup d'État, c'est coup d'État. Alors nous parlons à partir du Soudan. On est au courant ce que la France prépare à partir du Soudan. Le déplacement de M. Bozizé du Tchad en Guinée-Bissau, c'est la diversion. Vous comprenez? C'est une diversion. D'ailleurs, il vient de dire, pourtant, il a l'obligation de réserve. Il vient de dire, à partir de son exil Bissau-Guinée, qu'il va renverser le président Touadéra. Et Ambalo dit quoi? Tout à l'heure, je reviendrai sur Ambalo. Absolument. Son théâtre qu'il allait faire en Tunisie, là, tout à l'heure. On va revenir dessus. Donc, vous voyez très bien ce qui s'est passé. Voilà. C'est donc fort de cela. Que le président Touadéra, saisissant dans le contexte, quand on lui a offert cadeau, il n'a pas demandé. Il a pris sa responsabilité, il a dit, je veux dire la vérité au monde entier. c'est vous, l'Occidentaux, qui pillez mon pays depuis 60 ans. Fabrice, alors nous parlons. Le Centrafrique a de la peine à payer ses fonctionnaires. Le pays a des difficultés extrêmes de trésorerie. Le président s'est battu pour diversifier les approvisionnements en carburant, pour sortir du chantage qu'on lui faisait sur le carburant. Il a diversifié l'approvisionnement. Aujourd'hui, le carburant vient ailleurs, je ne dis pas d'où ça vient. Il a diversifié l'approvisionnement aujourd'hui, il a réglé ça. Vous voyez, un président qui se bat, c'est-à-dire comme un beau diable. Il n'a rien, il se bat. Vous comprenez? Mais quand cette période se passera, le Centrafrique sera un paradis ici en Afrique. Ça sera un très grand pays en Afrique. D'accord. Donc nous avons d'apporter notre soutien au président Touadéra. Tout ce qui complote contre le Centrafrique et son président, vous perdez votre temps. Afrique Média, le monde, c'est nous.